Yeah. C'est l'heure des gros gamos là. Ouais. Je suis de sortie. Baby. Allez, grave. Faux. Let's go. Faux. Je fais du cash, du merci. Je brille. Faux. Je fais du cash, du merci. T'as capté. Faux. Faux. Je fais du cash. Faux. Je fais du cash, baby. Faux. Je fais du cash, du merci. On y va. Je brille. Let's go. Hey. 6.3 6. Baby, allez, on sort. Okay, baby, un arbre que j'aime. Okay, allez, jump oui. Dans la caisse. Let's go. Hey. Junk, le mal dans le bank. Allez, j'ouvre la porte. Let's go. Ça lui plaît. Allez, jump. Hey. Moi, c'est pas tous les jours. Mais alors, donc ce soir, on dit quoi? Je les baise. Oui. Hey. T'inquiète, rien ne presse. Je suis pas envie de bander la mano. Jamais. Faut pas me parler de l'anneau. Tranquilo. Tu sais, tu sais, je sais, je sais. À bord, alors, en one, dis-moi, des mots, encore, des gestes, c'est cool, c'est chaud. Continue, dedans, escort, tu me guettes, maintenant, tes yeux, c'est chaud. Me parle, j'aime bien, j'ai vu, elle veut, je comprends, elle veut, le bon, elle veut, je fais, elle veut, semblant, elle veut, respect, quoi, escort, escort, on monte, à monte, d'un cran, d'un cran, pulsion, c'est chaud, je sens, tu mens, tu veux, je sais, maintenant, à gare. Okay, baby, you know the vibe, okay. Baby, show me your dates, okay. Show Benz, I make a dance. C'est ma dame ou c'est l'espèce? G-Bone, baby. C'est ma dame ou c'est l'espèce? Oh, my baby, get money. Get money. Sans, la folie. Oh, my baby, get money. Sans, la folie. Get money. La folie, oh my baby, get money, sans s'arrêt. La folie, get money, sans s'arrêt, c'est la folie. Get money, sans s'arrêt, c'est la folie.